comme ça, mais pas deux. Allez, fais péter le Minitel. La semaine dernière, j'avais parlé. Tu prends l'Allemagne. Oui. Ok. Et toi encore. Ça fait deux fois que tu me le fais. Mais pas trois. Sinon, je pose le casque et je me casse. Non. Gérard, ouais. Gérard, je vais me casser. Ça serait dommage, on va se faire de la gueule de qui après. Gérard, j'ai super intéressant. D'accord. Gérard, crache partout. Gérard. On est d'accord. Ouais, on est d'accord. C'est clair et net. Non, non. C'est clair. Mais non, je viens de venir. Gérard. Bon, donc Gérard. sur Minitel. Parce que Gérard, pour l'instant, le débat, il n'a pas commencé. Il y a Bernadette qui demande s'il est vrai que pour la pornographie, tu aurais tourné avec Christine un film sous le pont de l'Alma. Alors, j'y répondrai pas. Terminé. Il a déjà la réponse. Non, il a tourné Confession anale. Donc Gwenaël. Je disais, pour finir, donc oui, j'étais pour le sexe parce qu'on ne pouvait pas s'en passer. Mmh. Non, j'étais contre la pornographie parce que je trouvais que ça dégradait l'image de la femme. Oui. Parce qu'on voit plus souvent des nus de femmes intégrales qu'un homme. Mmh. Ensuite, on n'a pas besoin de films porno ou de cassettes. Pour savoir comment ça se passe, pour faire l'amour, de toute manière, quand on a vu un, tu l'as tous vu. D'accord. Qu'est-ce qu'on pense, toi, Gérard? Non, mais je répondrai après. J'interroge tout le monde et je réponds après. James. C'est pas James, mais James. Ouais, ben, c'est bon. Si j'écorche, tu réponds, s'il te plaît. Alors, Gérard, c'est James. Donc, je suis contre le pornographique. Hein? Car je trouve ça un peu honteux, quand même, que... Pornographisme. Non mais attends, Gwenaël, laisse-le parler parce que je sens que tout à l'heure il va pas continuer le débat. Mais il a rien fait, hein. Non, mais il va pas continuer parce que là pour l'instant, à mon avis, il est en train de dormir sur la question. Non, je dors pas sur la question, Gérard. Tu réponds, tu te dépêches, s'il te plaît. Je disais que j'étais contre la pornographie parce que je trouve ça honteux. Qu'on te foute tout ça sur le dos avec Homo Mag et tout ça, je trouve ça honteux. Bon, allez hop, c'est bon. On parle pas d'Homo Mag, tu me le vires, celui-là. Allez hop. Ça y apprendra. Allez hop, dégage. On continue. Feuille de rose. Oui. Bah moi, pour toi. Je suis contre la pornographie. Je trouve ça dégueulasse. Et pourquoi? Bah, je trouve ça dégueulasse. Pourquoi? Bah parce que je sais pas, je trouve ça dégueulasse. J'aime encore l'érotisme, ça va, mais alors la pornographie, je trouve ça dégueulasse. C'est trop violent. Le vivre en vrai, ça me dérange pas parce que bon, c'est mon plaisir. Mais regarder ça à la télé ou regarder ça à un film ou dans les magazines, je trouve ça dégueulasse. Avec qui tu vis ça? Ah, alors ça, je sais pas si je dois le dire. Vas-y. Bon, on le sait, c'est bon. Bon, Jenny. Alors moi, j'adore regarder les films porno. Je me branle d'ailleurs quand j'en regarde un. Et j'adore le sexe et j'adore les partous et tout ce qu'il y a sur le sexe. Prouve-le. Non, mais pour l'instant, c'est pas vous qui commandez. Bon, tu m'éteins le truc là. Voilà. Merci. Non, mais là. Mais tu me fais quoi là? J'ai éteint la serre. Tu m'as demandé. Non, mais. Tu m'as demandé d'éteindre la tranche ou. Non, mais tu m'éteins la double voix, tu me laisses le sang. Mais j'ai pas de double voix. Je continue. Donc j'aime tout, j'aime les femmes, les hommes, tout ce qui est du sexe avec toi, Gérard. Et j'aimerais bien qu'on regarde un film de cul ensemble. Marche. Hein. Non, on verra. Ça te dirait déjà faire un film de cul? Non. Avec non. moi. Non, non, mais attends, pour l'instant, Sandrine. Oui. Pour finir. Oui, donc moi pour le sexe, je suis pour. Pourquoi? Parce que c'est quand même un équilibre moral. C'est vrai que quand on n'a pas de sexe, ça peut déranger certaines personnes moralement. Ouais, attends, du quel... Oui. Du quel côté? De quel côté? Du côté de la femme ou de l'homme, c'est ce que tu veux dire? Ben, je sais pas moi, pour toi. Du côté de la femme, il y a certaines femmes, quand elles n'ont pas de sexe, et ben, elles s'en manquent, elles s'en passent. Elles s'en passent certaines, hein, pas toutes. Je pense pas, hein. Moi, personnellement, oui. C'est vrai que t'as été conçu pendant une cuite. Bon, toi, tu dégages. Allez, hop, une bonne nuit. Hop. Allô, Gérard? Manu! Manu! Oui. On vient, Jérôme. Ça y apprendra. Oui, Jérôme. Ok. Descends. Gérard? Donc, Sandrine, donc... Attends, Gérard. Il y a Super Speed à la place de James. Non, mais attends. Si c'est pour moi, récupérer les mêmes. Non, c'est pas les mêmes, Jérôme. Et il y a Gwenaël qui a raccroché. T'en avais marre? Allez, il y a Mephisto à la place. Non, Gwenaël, fallait pas qu'elle raccroche. Et bah écoute, c'est pas de notre faute, Gérard. Bon, alors, tu me rappelles Gwenaël. Mais il s'est occupé. Mais non, c'est Gwenaël. Ça raccroche Super Speed. Bon, mais moi, j'arrive. Allô, Gérard. Bon, Gérard. Gérard, tu reprends un peu le débat, s'il te plaît. Gérard. Bonjour, Gérard, tu reviens, oui? C'est mou là, Gérard. Tu vas pas mourir Ségolène est parti quand même. Attends, là il y a les mêmes, alors vous me les dégagez. Je répondrai pas de façon. C'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes. C'est les mêmes. Ils ont changé de nom. Tu peux m'écouter. Comment veux-tu que ce soit les mêmes alors que là ce soir je suis là en train de faire le standard et que je ne les connais pas? Je les ai pris au standard, ce ne sont pas les mêmes. Je ne suis jamais. Alors, qui c'est qui remplace Jérôme? C'est Gugus. Comme par hasard, Gugu. La semaine dernière, on l'a gagné. Il peut avoir le même nom, que ce ne soit pas le même, Gérard. Il y a beaucoup de Gérard dans la planète. Qui c'est qui remplace James? C'est Super Speed. Super Speed. Gérard. Attendez. Allô, Gérard. C'est Super Speed. Ouais, comme par hasard, je reconnais pas. Ouais, c'est la première fois que je passe aux images. Ouais, c'est ça. Vas-y, change de voix. Arrête de dire n'importe quoi à chaque fois. C'est la première fois que j'appelle, moi. Bah oui, c'est vrai. C'est les mêmes. C'est pas les mêmes. Qu'on avance dans le débat si tu fais une fixe. Il y a Marc, c'est pas un autre, Gérard. Il y a Marc Dors. On y va. Sur Minitel, il y a Marc Dors qui dit que sorti bientôt de ma dernière vidéo, le dernier gangbang de Jeanne Calment avec Gérard de Suresnes, l'homme à l'anus rempli de vomi. Il aura pas sa réponse, ça y est, Gérard, je peux finir? Allô, Gérard? Gérard, est-ce que tu aimes faire des fellations? Non. Gérard, j'aimerais qu'on t'en fasse. Gérard, c'est Sandrine, tu m'entends? Oui, Sandrine, je t'écoute. Est-ce que je peux terminer? Bah oui. Ouais, non, mais apparemment, c'est très dur. Hein. Termine et avale. Quand? J'ai dit termine et avale, c'est Jenny. Hein. Ouais, bon, Jenny, tu te tais, s'il te plaît, parce que tout à l'heure, tu as viré au standard. Ok, mon amour, calme-toi. J'ai pas encore changé de bord. Hein. Bon, Sandrine. Donc, je continue. Donc, on parlait de sexe, c'est ça? Ouais, t'as voilà. Donc, je te disais que c'était pour moi, pour moi, personnellement, ça n'est qu'une morale. Donc, quand j'ai des rapports, ça va très bien. Mm-hmm. Bon, comme certaines personnes d'ailleurs, hein, je suis pas la seule. Bah. Et donc, attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Donc, à propos de la position, la pornographie. Non, s'il te plaît, je te laisse parler, tu en fais pareil pour moi. Okay, attends, t'es qui, toi? Qui? Moi, tu parles. Bon, Sandrine, tu continues, s'il te plaît, parce que je donne ma réaction. Attends, je voudrais bien, mais on coupe ces deux minutes. Hein. Donc, alors, à propos de la pornographie, je suis contre. Je suis contre, pourquoi? Parce que pour moi, c'est se faire de l'argent avec le sexe. Non. Et c'est dégueulasse, voilà. Donc, attends, s'il te plaît, je termine. Donc, dépêche-toi, Sandrine. Dépêche-toi, s'il te plaît, Sandrine. Attends, Laura, j'aimerais bien terminer, me coupe ces deux minutes. Ah, là, il y a de la volaille. Donc, je suis contre la pornographie. Et puis, je trouve ça dégueulasse. Et moi, personnellement, les films X, ça m'intéresse pas du tout parce que je trouve ça nul. Bon, d'accord. Voilà. Maintenant, je vais poser la deuxième question parce que. Et toi, Gérard, on sait rien sur toi. De toute manière, moi, je suis contre la pornographie, point final à la ligne. Menteur. Parce que ça fait trop mal. De quoi? Qui c'est qui vient de me traiter de menteur? C'est une fille. J'ai dit qu'on parlait pas de la loco. Mais on n'a pas parlé de la loco. On a parlé de Anus. Gérard, c'est Superspin. Ouais, mets ton cul, toi, réveille-toi un peu. Ah, Superspin, moi, je voudrais te répondre à la question. Du calme, du calme. Bah, tu restes tranquille, David. Bah, tu réponds à la question. Bah, il est calme, hein. Alors, ma question, bah, je réponds, c'est donc que je suis fou dans les films de Bouladon, parce que Super, je suis à mort. Ouais. D'accord, allez, dégage. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Mais attends, tu laisses même pas parler les gens. J'ai rien dit, genre, je t'ai rien dit, mais les gens. Bon, deuxième question. On t'écoute. Bon, moi j'arrête. Allez. Oh, c'est quoi là, tu me plais, toi? Bon, on t'écoute, Gérard, deuxième question. Bon, Gérard, c'est Max. Dans ton casque. Gérard, c'est Max. Bon, Max. Mais non, mais tu poses pas les questions, t'es mou. Ouais, c'est vrai. T'es mou, c'est quoi? J'ai deux voix, et je peux pas continuer comme ça. Bon, Olivier. T'es fou des deux voix. Pas vrai, ça. Allez. Ben comme par hasard, c'est arrêté. À moi. T'amuses pas à appuyer sur les boutons, d'accord? Bon, okay. Deuxième question, Gérard. Bon, Gérard, ton débat est mou. Hein. Mais carrément, surtout sur la pornographie, quoi. Ça devrait bouger. Regardez-vous des films de cul. Gérard, c'est Shiverfield. Bon, allez au standard, là, vous gérez un peu, là. Manu. Gérard, c'est Shell. Manu, qu'est-ce que tu fais, Manu? Voilà, Jenny répond. Alors, moi, j'aime bien regarder les films de cul, ouais. Pourquoi t'aimes regarder les films de cul? Parce que ça m'excite et après, c'est l'amour avec Gérard. Ouais. Gérard, regarde un film de boule, on se marre. Gérard, mène bien ton débat. Putain, c'est n'importe quoi, je vais venir le faire à ta place, moi. Oui, qui c'est qui m'appelle? Pose la question. Je peux répondre à la question? Bah pour l'instant, attends, je la pose. La pose. Non, parce que là, je regarde un film de boule en direct de Fun TV. Regardez-vous le film de cul. Oui, en ce moment même sur Fun TV. Super Speed. Non, réponds. Bah moi, je regarde un film de boule en ce moment même sur Fun TV. C'est ça. Prends-moi pour un con. Non, je te prends juste par derrière, moi. D'accord, tu dégages. Tu dégages. Allez, hop, Super Speed, tu me le vires. Hop, bonne nuit. Au revoir. Allez, Gugu. Gugu, réponds. Oui. Allez, Gugu. Allez, réveille, ou quoi? Bouge-toi le cul un peu. Ah, moi, je suis pas Super Speed. Vas-y, remuez-vous, là. Hop, tu me vires Gugu, ça y apprendra à se réveiller quand je pose des questions. Feuille de rose. Oui, je regarde et oui, j'aime bien regarder les films de cul. D'accord. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que, je sais pas, c'est bien. C'est très excitant, en fait. J'ai dit à Gugu et à Super Speed de virer. Ça t'excite? Ouais, ça m'excite. Ouais, tu voudrais regarder un film de cul? Et quand je regarde un film de cul, je pense à Gérard. D'accord. Génie? Ça te fait rien. Moi, c'est la même chose, sauf que moi, j'aimerais bien regarder un film de cul avec toi et Feuille de Rose. Ah ouais? C'est ça. Moi, je vais vous dire une chose que je regarde une. Si je regarde un film de cul, c'est avec une nana, c'est pas avec deux, d'accord? Sandrine. Oui, une nana pour le prix d'une. Non, mais moi, c'est avec une nana, c'est pas avec deux. Pour le prix de 200. Ah, mais là, je te réponds. C'est qui? Gérard, c'est Sandrine. Ouais, ben, Sandrine, je viens de te poser la même question. Oui, je veux bien, mais tout le monde parle en même temps. Hein. Bah, je t'écoute. D'accord, donc moi, je ne regarde pas les films X, ça m'intéresse pas. On a Christophe à la place de Super Speed. Bonsoir Gérard. Bonsoir, c'est top. Oh. Bonsoir. Salut. Salut Gérard, comment vas-tu? On fait aller. Bon. Sandrine, vas-y, tu réponds. Je voudrais bien répondre. Tu dégages. Sandrine, Sandrine, tu réponds à la question. Bordel. Bon, je réponds à la question alors. Donc, moi, les trucs, ça m'intéresse pas. Bon, allez hop, c'est bon, je vais terminer. Faire conclusion, moi ça va aller vite fait. Mais non, Gérard, là, tu te démerdes, tu prends ça, tu te mises à. Ça suffit, Manu, attends. Tu l'excites, Gérard, j'en peux rien. Je suis réveillé. Tu te réveilles, tu l'excites. Mais merde, y'a personne. Mais attends, mais Gérard. C'est quoi, là, Gugu et Christophe, là? Mais c'est pas grave, Gérard, reviens au débat. C'est pas vrai, ils sont nuls, t'es débat. Reviens sur le débat, Gérard, attends. Vas-y, reviens, repose ta question et demande à chacun de répondre. Bon, de toute manière, j'ai posé la question maintenant, la troisième. Quelle est la différence entre un pornographique et une typographie? Tu dégages. Entre un quoi? Entre une typographie et une pyrogravure. Une pyrogravure? Pyrographie, un con. Quoi? Oh putain. Entre un film pornographique et, Gérard? Et de la pyrogravure. Et de regarder Willy Lourchon. C'est quoi la question, Gérard? Tu peux répéter la question? Quelle est la différence entre un pornographique et typographie? Alors, différence entre pornographie et typographie. Donc moi je pense que la pyrotechnique. Alors Gérard, qu'est-ce que c'est la typographie? Ouais, qu'est-ce? Pour l'instant, j'en sais rien, j'ai pas regardé sur le dictionnaire, je réponds. Non, mais alors pourquoi tu me tuerais plus dur, hein? Bon, Godis, je t'ai acheté des béchales, ça sert à quoi? Non, Gugu, Christophe, vous dégagez, bonne nuit. Allez hop, Gugu et Christophe, tu me les dégages, je vais pas. Tu me les dégages. Gérard, tu me les dégages. Allez hop, ce coup-là, Gérard, c'est. Alors, la différence de nom, hein. La différence, c'est que. Tu changes de nom? La différence, c'est que dans un film la typographie, c'est plus fort que la pornographie. C'est qui parle? C'est Feuille de Rose. Parce que la typographie, c'est scato. Voilà. Donc c'est effectivement plus fort. Exactement. Que la pornographie, parce que la pornographie, c'est juste anal. Voilà. Tu comprends, Gérard? D'accord. T'as compris? Ouais. Non, mais t'as compris ou pas? Oui. Oh. Alors connard, il t'emmerde, tu dégages, tu viens. Hé hey. Et toi, Gérard, qu'est-ce que t'en penses? Là, tu me prends celui qui vient de dire connard, c'est un mec. Et j'avais bien précisé. Gérard, et toi, qu'est-ce que t'en penses? Gégé, tu peux te concentrer deux secondes, on a Alain à la place de Christophe. Voilà, et sur Minitel, il y a Maud qui dit que le nouveau film avec Gérard et Stéphane, c'est Orgie romaine à la brasserie de la Loco. Alain, bonsoir. Salut Gérard, je vais essayer de faire mieux que les autres. Connard. Y a pas tort. Bon. Bon ouais, pour l'instant, ça y est, tout le monde a répondu. Attends, et toi Gérard, quatrième Gérard. Et toi Gérard, t'en penses quoi? La typographie, est-ce que ça t'a fait Non mais je sais pas quel connard qui vient de dire répond connard. Ça va aller vite. Tout à l'heure, je vais garder avec les nanas. Ça va être simple pour finir. Oh. Ouais. Oh, ça va. Bon, de toute manière, je vais poser la. Avec ta caméra, tu me fais chier là maintenant. Donc, c'est quoi la question que tu disais très calmement? Achetez-vous des jours de pause. Tu dégages. Je sens que tout à l'heure je vais fouiner dans les studios. Je sais que c'est quelqu'un de la radio qui s'amuse au con. Il y en a qui vont jeter. Donc, foutre sexe, orifice. Les chouilles, là, et hop, terminé. Allô, Gérard. Allô. Bon, on a qui, là, maintenant? Etc. Et je pense qu'il n'y a pas matière à se rincer l'œil. Moi, ça risque pas parce que je suis aveugle, mais à se rincer l'œil sur des BD ou sur des magazines. Alors là, mon cher ami, je ne vous suivrai pas sur ce chemin-là. Et laissez-moi vous dire qu'aux chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Et que c'est vrai que l'équipe, ces temps-ci, ça s'est beaucoup dégradé. Mais, monsieur, sachez que je ne suis pas du tout de votre avis. Eh ben, c'était pas de mon avis, c'est le même prix. Laisse-le s'exprimer, Gérard. Non, mais de toute manière, c'était pas à lui que je m'adressais, donc... Jenny. Alors, moi, j'achète tous les lundis matin, à 8h du matin, quand je sors de chez moi, je ferme la porte à clé, je descends, je vais voir le machin de chez Pao, ouais, et j'achète le Lesbian Magazine et le Gay Magazine. Mmh. Et le lundi, il y a des offres d'emploi parce que je cherche du taf. Et ta connerie, c'est bien. C'est pas Jenny que je parle, c'est Lascar que je viens de parler. C'est pas mal ma connerie. Ouais, bah, ta connerie, tu te la carres au cul. Donc Jenny, s'il te plaît, tu continues. Là, tu voudrais savoir si tu aimerais qu'on t'enfonce un god dans l'anus. Non, pas du tout. C'est de la routine maintenant. Bon, toi, tu la fermes, c'est pas toi que je m'adresse. Toi, tu dégages avec ta caméra, d'accord? Non, mais il a pas tort. Est-ce que tu aimerais en plus dire ça? Je vais poser le casque, je vais rentrer chez moi. Donc, je vais continuer avec Sandrine. Oui. Donc, Sandrine, pour toi? Pour moi, acheter des magazines X. Non, mais tu peux les citer, hein. Non, je peux pas les citer parce que j'en connais pas. Parce que pour moi, les magazines, acheter des magazines X, c'est mettre de l'argent à la poubelle. Ça sert à rien, c'est vraiment nul. Non, c'est foutre du sperme. Non, mais pour moi, acheter des magazines X, faut être un petit peu obsédé quelque part. Ouais. C'est mieux les films. Donc, déjà, je suis pas pour les films, mais les films, déjà, ça bouge. Et pour rien, alors? Comment? Et pour rien. Si, quand même, si. Alors, non, c'est aussi foutre. Mais voilà, quoi, donc, tout à fait. Je suis pas pour les magazines pornographiques. Alors là, madame, les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Est-ce que tu baises? Est-ce que tu baises? Comment? Avec un homme, comment? Avec une femme? Les deux? Non, pas du tout, non. Captain. Bon, t'es pucelle? Comment? T'es pucelle? Non, je suis pas encore. Non, pourquoi là, tu peux être vrai que c'est toi? Ouais, t'es pucelle. Non. Alors là, les filles, vous êtes en train de tenir un discours de lesbienne qui me fait pas plaisir. La femme. Préférez-vous les films ou les magazines pornographiques? Gérard. Alors, Jenny préfère les films parce que les films, je t'ai déjà dit, Gérard, qu'on peut les regarder ensemble. Ça m'exciterait et après, je t'enculerai avec un god. Je ferai de même. Gérard, attendez-moi, je vais arrêter pour l'instant. Je vais arrêter parce que... Mais attends, Gérard, pourquoi? Non, parce qu'il y en a un qui s'amuse, là. Qui s'amuse? Mais non, Gérard. Ça me fait rire. La caméra Tu reviens au standard tout de suite. Jean-Luc. Et voilà pourquoi les débats, bref, à chaque fois ça se passe. Oh, Thierry, les biens, là, vous voulez pas, s'il vous plaît. Les questions, là, fais-nous jouir. Bon, et moi, j'arrête, Thierry. Il faut que tu fasses preuve d'un peu plus de style. Mais Gérard, tu réponds jamais à tes questions. Exactement, ouais. Je t'ai jamais enculé, c'est vrai. Hein. Ouais, moi, j'aimerais bien. Bon, Gérard. Gérard, tu fais quoi, là? Ah, ouais, d'accord. Est-ce que quelqu'un serait intéressé pour une cassette de Gérard? Oui. C'est l'amour avec François dans une cabine téléphonique. Ah ouais. Bon, allez, hop, Gérard. Hop là, on y retourne. Donc on est revenu. Gérard. Là, tu dégages, tu m'énerves plus. Je sais pas, j'ai pas regardé ce matin. J'ai 15 copies. Tu bires. Gérard. Tu les vends à combien? Gérard, ne te laisse pas envahir par le côté obscur. Ok, point final à la ligne. 1 franc égale 1 franc. C'est des films amateurs. Tu mets le disque, je continue pas comme ça. Gérard, tu continues. Ça dure 3 minutes. Bon, on va reprendre le débat. On va reprendre le débat là. On les vient pas tous. Tu mets la feuille de rose. Ça y est. Toi, tu dégages avec ta caméra là. Non, on fait. Parce que là, tu m'énerves. Alors maintenant, tu dégages. Bon, tu dégages. Tu dégages. Je veux plus te voir là. Bon, maintenant, Gérard, tu reprends ton débat. Bon, maintenant, tu me gardes. Non, tu t'assois devant ton micro. Tu vas là-bas. Oui, d'accord, je vais là-bas. Allez, hop. Tu gardes Feuille de Rose, Jenny et Sandrine. Et tu prends d'autres personnes. Allez, et tu reprends ton débat. Et celui qui s'amuse à péter, il dégage. C'est quelle question? Bah, attends, c'est la naturelle. Excuse-moi, mais bon, tu pètes jamais, toi, peut-être. Bon, tu vas, Gérard. Mais attends, qui c'est qu'on a? Je sais plus. Tu reposes ta question. Je sais plus. Mais justement, j'en profite pour faire une petite annonce à toutes les filles qui veulent parler à Gégé. Donc... Ouais, personne n'a des portables ici. Attends, non, Gérard, tu reviens. Non, arrête de te moucher, de... je sais pas ce que tu fais. Ah. Bon, allez, hop, maintenant, je continue pas comme ça. Débat, s'il te plaît. Wow. Bah alors, allô Gérard. On se calme un peu là. Les jeunes sont là. Bon, tu reprends le débat, Gérard. Gérard, c'est simple. Il y a débat là. Il y a Feuille de Rose, il y a Jenny et il y a Sandrine. Voilà. Il y a tes trois amours. Voilà. Préférez-vous les films porno ou les magazines? De manière, je pense qu'on en a assez parlé longuement avant. Et toi, Gérard, on vient d'en parler. Moi, je préfère aucun. Ouais, mais Gérard, pourquoi tu as honte de dire que tu n'aimes pas les films porno? Parce que ça m'intéresse pas. Ouais, mais t'en as déjà regardé. J'ai compris. Hein. Ça t'a excité, t'as bondé. Non, mais j'ai pas bondé, puis de toute manière, ça m'a pas excité. Mais je crois que t'aimes pas ça parce qu'elles font mal, c'est ça, voilà. T'aimes pas faire mal à une nana. Voilà. J'ai toujours dit que je ferais jamais mal à une nana. Si je me souviens bien. Gérard, tu m'as fait mal, moi. Et un film porno, ça fait mal. Qui? Moi. Qui? Jenny. C'est vrai? Ah bon, je t'ai fait mal quand? Ouais, tu m'as tiré les cheveux. Quand? Quand? Bah, rappelle-toi, hein. Non mais attends. On m'a tiré les cheveux deux fois, tu m'as fait mal. Quand? Bah rappelle-toi, je sais pas, t'as pas de mémoire. Mais quand? Gérard, mais tu... Attends, qui c'est Ginny? Bah Ginny, c'est des Ginny. Non, attends, c'est pas la Ginny de Fun Radio. Mais bien ça, sûr, là. Gérard. Bah, non. Quand, Gérard? On accueille surprise aussi. C'était quand? Allô? Bonsoir. Comme par hasard, un mec. Mais non, mais c'est pas grave, Gérard. Eh ben, il en faut dans un débat, Gérard. Mais t'as pas de problème, Colin. Faut bien des mecs. Attends, nous, on peut pas jouir sur toi, hein. Excuse-moi, mais bon... Alors, Jenny. Enfin. Jenny. Oui. C'est quoi, cette histoire? Bon, écoute, lâche l'affaire. Ah, d'accord. C'est bon. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Jeune fille, Joël. Salut Joël. Caramel. Bonsoir. Caramel à l'appareil. Oh, salut Caramel. Merci. En fait, ouais. Je suis pas plus de fan. Tu viens d'en faire un jeu, sans l'heure, le seul bordel. J'aime ton débat. Caramel, c'est le de tout le monde. Eh ben, tu viens Caramel de se taire. GG. Est-ce que vous achèteriez un film où il y a Gérard qui tourne dans un film porno, quoi? Ouais, c'est Confession anale. Bon, ouais. Pour l'instant, c'est moi qui pose les questions. Non, mais attends, c'est un sondage. Ça veut... Pour l'instant, c'est moi qui pose la question. Gérard a déjà tourné un film qui s'appelle Confession anale. C'est bien ce que bon, tu me calmes les pétasses, là. Ils sont des filles, GG. Gérard, tu pourrais dire bonjour, quand même. Ouais, t'es mal poli. Ouais, qu'est-ce qu'il est mal élevé. On se demande où est-ce qu'il a été élevé. Alors, qui c'est qu'on a? Bonjour, Gérard. Alors, on a Feuille de Rose. Bonjour. Oui, ouais, puis moi, Feuille de Rose, mais moi, on m'oublie, quoi. Non, mais t'as Feuille de Rose, quoi. On a Feuille de Rose. Feuille de Rose. Génie. Salut. Salut, on a Sandrine. Non, on n'a pas Sandrine, on a Joël à la place. Salut, Joël. On a Joël. Joël. Mais on a Gérard. Bonjour, Gérard. Bonjour, Joël. Il y a Caramel. Non, salut, Caramel, tu dégages. Je crois que c'est Caramel Bis aussi, je crois. Salut, c'est Caramel Bis. Il y a Caramel Bis aussi, je crois. Non, et il y a Jackie Chan aussi. Non, non, non. Non. Alors, la question, Gérard, c'est quoi la question? Parce que moi, j'ai pas tout suivi. C'est quoi la question? Non, ben, pour l'instant, tu as... Préférez-vous... Considérez-vous faire l'amour constitue. Je ne comprends rien. Bon, si tu ne comprends rien, tu dégages. Comme ça, tu t'ouvras les oreilles. Articule. Alors, je t'écoute. Considérez-vous. Gérard, est-ce que tu as quelque chose dans la bouche quand tu pars? Bon, c'est quoi ça dent, il mâche, oui, ça dent. Alors, Gérard, ta question, c'est nul. C'est ce cirque. On comprend rien à tes questions. Oh là là là là là. On pose donc la question. Qu'est-ce qu'il y en a? Ça va, les filles? Ça va, Caramel? Ça va, Caramel? C'est quoi ton prénom, ça? Quand est-ce que je peux vous faire le débat? À la place de Gérard. Est-ce que vous préférez Gérard, t'as le micro. Est-ce que vous préférez faire l'amour le premier samedi du mois? Gérard, c'est pas ton tour de parler. Alors, les filles, alors vas-y, Feuille de Rose. Oui. Est-ce que tu préfères faire l'amour le premier samedi du mois? Tu veux dire que tu veux faire l'amour tous les samedis? C'est pas normal, c'est Caramel qui commande. Caramel, il dégage. Alors, s'il vous plaît, si vous êtes tous avec moi, s'il veut que je m'en aille, tout le monde s'en va. Plus personne ne parle. C'est Caramel Bis. Bon, vas-y, Gérard, plus personne ne parle. Vas-y, tu peux reprendre ton débat. Tu remets ton casque. Je suis d'accord avec Caramel, hein. C'est lui qui a raison. En plus, c'est lui qui mène le débat. Eh ben, dans ce cas-là, vous dégagez tous au sondage. On l'a carrément oublié. Eh ben, vous dégagez tous au sondage. Mais Gérard, tu mets les quand même, parce que tu dis même pas bonjour et puis tu nous dégages. Je garde Feuille de Rose, Génie et Joël, point final. Et Caramel, tu dégages. Caramel, tu dégages. Jackie Cham. Est-ce que Caramel est... Bon, allez, moi j'arrête. J'arrête, il est 3h25, que je conclue là-dessus. Non, je conclue. Troisième question, Gérard. Non, non, il n'y a plus de temps. Troisième question, Gérard. Prenons à la troisième question. Donc. On t'écoute, Gérard. Allez, Gérard. Allez, on écoute tous, Gérard. Troisième question. C'est parti, Gégé, c'est bon. Il n'y a plus que les filles. Hein. D'ailleurs, tout le monde est parti puisque tu as demandé que tout le monde s'en aille. Voilà. Donc, vas-y, troisième question. Donc, Feuille de Rose. Si tu veux qu'on s'en aille, on peut s'en aller aussi. Très bien. Si j'entends un mec. Non mais, je zappe tout le monde comme la semaine dernière. Gérard, il n'y a pas mec ou pas mec, tu t'as demandé que tout le monde dégage. Donc je virais tout le monde. Laisses Feuille de Rose, écoute pas, hein. Ginny et Joël. Rien, ouais. Non mais Gérard, je te dis que j'ai viré tout le monde. Parce que tu as dans ce cas, si tu as viré tout le monde, je fais conclusion. Bah non, on continue. Troisième question. Troisième question donc. Oui, réponds. Vas-y. On va faire les auditeurs. Fréquentez-vous aussi les sex shops? Alors, Feuille de Rose. Bon, tu me l'as remis, putain. Tu me l'as remis au standard, toi, ou quoi? Tu as travaillé un peu? Tu peux appeler Nathalie? Tu as travaillé? Pardon. Excuse-moi. Alors, moi, j'ai déjà vu Gérard dans un sex shop à Pigalle. Avec qui? Avec Christine. C'est ça, bah alors, qui c'est qui vient de dire ça? Les mecs. Non, ouais. Non, c'est une nana. Non, c'est les mecs. C'est une nana qui vient de dire c'est ça. C'est un mec qui a pris la voix d'une nana. Non. Tu te fais avoir, tu te fais entuber, là. Non, eh ben, faut pas prendre les gens pour des... Pour des cons, hein. Moi, j'ai déjà vu, j'ai acheté un vibro, hein. Gérard, reprends ton débat, toi, t'es là. Non, ça fait du tout, hein. Débat. Ouais, donc, vous laissez Christine de côté, s'il vous plaît. Oui, ok, Gérard. Donc, troisième question. Non, c'est la neuvième. Neuvième, bah, c'était la troisième. C'est la troisième tout à l'heure. C'est la neuvième. Alors, neuvième question. Donc, c'est fréquentez-vous aussi les sex shops? C'est la même question. Eh ben, tout le monde n'a pas répondu, feuille de rose. Je fréquente plus que les sex shops, en fin de compte, parce que j'en tiens un des sex shops. Il y a la loco. Derrière. Ouais, la loco bientôt va se transformer en sex shop. Le plus grand sex shop du monde où il y a les plus gros animaux du monde. Karine, s'il te plaît, tu me gères le standard du monde. Ouais, c'est clair. Karine, tu me gères le standard. Bon, je peux répondre. Vas-y, Jenny, vas-y. Alors moi, j'ai déjà été dans un sex shop à Pigalle. Ouais. C'est du crado boxing. J'ai vu des cassettes qui étaient pas très catholiques. Ouais. Notamment des cassettes avec... Eh, je t'emmerde, moi, je te dis que t'as un crado. Chien, voilà. Des chevals. Ouais. Non, des chevaux, pardon. Oh, non, tu mènes ton débat, mon gars. Tu quittes pas ton casque. Hein. Donc, c'était vraiment horrible, ça m'a dégoûté du sexe. Ouais. Allô. Et ce qui m'a choqué dans ce casque. Est-ce que Gérard mène ton débat? Jouissons. Gérard, mon feuille de rose, parle-nous de tes relations sexuelles. Ah, avec mais c'est qui là qui est sur tout le monde là? Elles sont torrides. Malheureux. Gérard, est-ce que Caramel est là? C'est quoi ça? Caramel, réponds. C'est moi, on a dit Caramel est une des nanas. Il est parti. Mais c'est quoi? C'est quoi le son? Allô, Caramel? C'est quoi ça? Est-ce que tu peux mener le débat à la place de Gérard? Là, il n'y a plus que ça à faire. Oh, c'est quoi, là, il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas coupé sa radio. Oh, Olivier, tu travailles un peu là. Tu écoutes la radio là derrière. Oh, oui, pardon. Oh, Gérard, tu travailles un peu là. Bah, Gérard, est-ce que tu peux le couleur? Il y a quelqu'un qui a laissé sa radio là. Bon, on est en train de parler des sex shops. J'ai l'antenne ou pas là? Oui, il faut retirer celui qui a sa radio derrière. Tu m'avais dit, Jenny, que tu avais vu un film porno avec Gérard. Retirer, il faut dire. Et ça t'a fait quoi? Ça s'appelait confession anale. Ouais, et ça t'a fait quoi, toi? Moi, ça m'a choqué. Ça t'a choqué? Ouais. Capable de faire ça. Mais c'était pas Gérard de Gérard de Seine, hein. Gérard de la loco. Bon, le terminé contre ce machin. Non. Gérard. Terminé. Gérard, c'est Caramel. J'avais mis la radio derrière. J'aime bien faire prier Gérard, hein, quand même. Hein. Les filles. Ouais. De toute façon, il y en a marre. Il y en a marre de Gérard. Ça y est, la radio est coupée, Gérard. On reprend le débat. C'est quoi ça? Il y en a marre. Alors, Gérard. Moi, je suis pour la philographie. Mais pas la typographie. La typographie, honnêtement. Parce que c'est Caramel à l'appareil. Ouais, Caramel. Caramel. Moi, je crois que la typographie est plus importante parce que la pornographie... La semaine prochaine, il n'y a pas de débat. Ouais, il n'y a pas de débat. Les filles, le débat est fini, je peux pas aller en antenne. Oui, ouais, c'est ça, tu les reprends toutes en antenne, tu arrêtes de sauter avec elles en antenne. Ouais, tu les reprends toutes en antenne. Gérard, t'as un problème psychosexuel, toi. Gérard, tu restes poli, d'accord? Pour un sens de poignard, c'est moi qui gère les débats. On dirait pas que tu gères les débats. C'est moi qui gère les débats. Quand je ne pas de Caramel, il n'a pas à revenir comme ça. Mais les gens sont Caramel. Ouais, mais tu gères le disque. Gère plus ton débat. Non, mais on va pas le disque. On va demander. Bon, deuxième question. Fildar. Deuxième question, Gérard. Gérard, Fildar. Est-ce que Christine a regardé des films porno? Bon, allez, on met un disque. C'est quoi le disque? Bah j'en sais rien, j'ai même pas un feuille. Bon bah c'est Caramel, alors moi j'ai changé mon disque. Bon Caramel, annonce le disque. Alors c'est quoi le disque? Je sais pas. Alors c'est Oculator de EMF. C'est EMF. Avec Encule-moi la loco. You're Gérard, c'est à toi, comme d'habitude, t'es pas prêt? C'est pas bien? Donc, si, ça y est, on va continuer. Donc, qui c'est qu'on a maintenant? Alors, Ouais, bah voilà. Alors, on a Bivendôme. Ouais, salut Gérard. On a Pacha et on a Isabelle. C'est tout? Oui, c'est tout pour l'instant. oui. Ah bah c'est bien. Salut, merci. Salut. Salut à tous. Donc je pose la question. Ouais. J'espère que vous êtes moins lourd que les précédents. Il n'y a pas de mal, hein, je crois. Alors, avez-vous déjà participé à une partouze? Oh. À une quoi? À une partouze? Les oreilles, c'est comme le cul, ça se lave. Tu te réveilles un peu, mon patin, là. Mais pourquoi t'es agressif comme ça, Gérard? Punaise, mais c'est quoi, là? C'est quoi? Qui c'est qui s'amuse à faire ça au standard, là? Mets des hanches, ouais. Tout ça. Non, tu remets la caméra là-bas, toi. Oui, tu dégages, tu remets la caméra bon, là. Et tu reviens sur le débat, Gérard. Allez, hop. C'est quoi une partouze? Ah ouais, parce que ça c'est une excellente question. Hein, non mais pour l'instant c'est moi qui pose des questions. Non mais attends, mais... Vas-y réponds, qu'est-ce que c'est qu'une partouze? On sait pas ce que c'est nous. Ça, vous savez pas ce que c'est? Ah non, ça se fait à deux. Une partouze, ça se fait à plusieurs chez soi. On fait quoi à plusieurs? On fait quoi exactement? On mange des nouilles. Non, pourquoi? Bah je sais pas, c'est quoi? C'est quoi? Mais c'est bizarre. Il y a combien de nanas là sur l'antenne là? Mais elles sont plus sales peut-être. Vous bah là, êtes vierge. Isabelle. Vous êtes vierge, c'est ça? Ah bah ouais, ouais. Bah voilà, c'est pour ça non, que ça passe. Non, il y a quelqu'un d'autre avec Isabelle. Hein. Isabelle, non. T'es toute seule? Hein? Il y a quelqu'un d'autre derrière toi? Oui, il y a mes collègues de travail. Gérard. Ouais. C'est quoi une partouze alors? C'est à plusieurs, ça se fait à plusieurs. Ouais, mais quoi, c'est quoi exactement? Allô, Gérard. À Gérard de venir devant le micro et de reprendre l'émission, s'il te plaît. Gérard, je demande à. Il y a Max qui dit qu'il y a un blanc à l'antenne qui serait temps. Il est chez lui. Mais là, je suis devant le micro, non, je gueule, putain! On ne l'entend pas, qu'est-ce qu'il fout? Il demande au caméraman de dégager. C'est pas possible, ça. Max, tu viens là ou quoi? Qu'est-ce que je fais? Je mets un disque ou quoi? Tu viens là! Tu demandes à Gérard de reprendre l'antenne. Mais je suis à l'antenne, merde! Il n'est pas à l'antenne. Gérard! Non, mais attends. Isabelle, t'entends quelque chose? Gérard. Bah non, j'entends pas Gérard, moi. Gérard. Putain, allô, Gérard. Pas vrai, j'en ai marre. Mais arrête de gueuler comme ça. Tu mets un disque. Ah, Gérard. Non, je crois qu'on entend Gérard. Ah, ça y est, on l'entend. Gérard. Dégage. Ça y est, Gérard, je t'entends. Ah, j'entends quelqu'un d'anglais, ça doit dire. Feuille de rose. Oui. Ah, c'est Feuille de rose. C'est caramel. Ah, c'est caramel. Arrêtez au standard. Vous calmez au standard. Attendez, enlevez tout le monde du standard. Ça y est, c'est fait. Gérard, tu dégages. Est-ce que Gérard est là? Gérard, tu peux parler? Max, mais qu'est-ce qu'il faut? Non, Gérard, tu te mets devant ton micro, tu parles. Bah, je suis devant mon micro, je parle. Non, mais parle devant ton micro. Je suis dans le jet, t'allumes les micros. Mais il est allumé. Non. Quoi? Non, Gérard, tu reviens. Gérard est parti, c'est pas bien. Il est où, lui? Bon, là, il y a... Ce qui se passe, c'est que Gérard est sorti, en fait. Gérard! Je vais le chercher, Max! Il est sorti dans le couloir. Je vais le chercher, Max! Gérard, tu reviens? Oula, il a poussé Cyril. Tu dégages! Oh, désastre. C'est la petite. On accueille Jacques et Pierre. Je les touche, Max! Allô, Gérard! Non, c'est Pierre, c'est pas Max, c'est Pierre et Jacques. Ok, Gérard, maintenant tu remets ton casque, tu reprends le débat calmement. Vas-y, et on oublie tout non, ça. Mais moi, on oublie. Max. Je suis là-haut, C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Allô, Max, tu dégages. Enlève le standard. Allô? Je suis là. Tu dégages. Olivier, tu demandes à Gérard de venir. Putain, mais t'es sourd, je suis devant mon micro. On n'entend rien, il est où, Gérard? Il est devant son micro. Mais on ne l'entend pas. Bah, il passe pas à l'antenne. Je suis là, nom de Gérard, je fais quoi? Bon, moi j'arrête, allez hop. Bah viens devant mon micro. Mais il est devant son micro. Je vais avec le technicien, on ne l'entend pas. Demande-lui d'allumer son micro. Il a allumé le micro. Mais qui met... Mais dis-lui de parler devant son micro. Bah, il parle devant son micro pourtant. Bon, allô? Ouais. Bon, j'entends le casque, mais j'entends pas le micro. Bah t'entends rien du tout. Il entend le casque, il a dit qu'il entendait quand même le casque. Non bah moi j'arrête, c'est terminé. Dis-lui d'approcher son casque contre le micro, je l'entends pas. Non mais mon casque est devant le micro. Bah approche le casque, oui on sait jamais, c'était il y a que le technicien. Alors vas-y, parle. Bah t'arrêtes ta connerie, toi. Toi tu dégages avec ta caméra maintenant. Maintenant tu verras. Non, Gérard. Non, moi j'arrête, Gérard. Allô, est-ce que Karine, attendez, est-ce que Karine est là? Gérard, on préfère laisser, il faudrait que tu tiennes ton micro à l'envers. Est-ce peut-être que Karine ou Manu m'entendent? Il faudrait que tu tiennes le micro à l'envers, Gérard. Allô, essaye. Non. Mais essaye, on sait jamais. Est-ce que Karine ou Manu m'entendent? Dégage, Gérard, prends le micro. Allô, et renverse-le. Gérard, prends le micro, renverse-le. Max, je vous en... Allô? Essaye de le renverser, Gérard. Non, bah, Putain, dégage quand même, fais pas chier. Attention, Gérard. Renverse le micro. Bon, pour voir si c'est une question. Bon, Olivier, de... je t'entends. Manu, je t'entends pas. Manu est là. Allô? Manu. Oui. Oh putain! Max et Karine, tu m'entends? Allô, Karine, est-ce que tu m'entends? Max, non, non, je n'entends rien, là. Olivier, est-ce que tu entends quelqu'un? Renverse le micro, Gérard, comme ça. Non, mais attends, ça vient de là, des fois, il y a des faux contacts. Non, moi je prends un autre micro. Mais non, ça changera rien! Non, mais prends un autre micro si Manu, tu veux, ça changera rien. Ou pas? Bon, mais Gérard, change le micro. Max. Ah bah, Karine, je t'entends. Ah, tu m'entends? Ouais, ça va. Bah, Gérard, ah bah génial. Qu'est-ce que fous? Il est où, Gérard? Il est pas là? Bah, Gérard, change le micro. Dégage! Il est où? J'entends rien! Mets ton casque. Allô? Ah non, il est à son pourri. Je demande à Gérard que je veux lui parler. Gérard, mais Gérard, Gérard, de dégage-toi. Gérard, tu remets ton casque à Max qui essaye de te parler. Dis-lui qu'on est en direct. Tiens le micro à l'envers. Essaye de tenir, moi ça marche avec le micro à l'envers. Putain, vous commencez à me les gonfler. Gérard. Ouais, moi j'arrête de terminer. Non. Gérard, remets ton casque. Tu demandes à Max qu'il descende tout de suite. Gérard, il descend. Je suis à l'antenne là-haut à la tour Eiffel. Je suis à l'antenne là-haut. Il ne t'entend pas. Il est là-haut. Il ne t'entend pas. Bon, Gérard. Non, Gérard, comme ça. Gérard, vous commencez à me les gonfler là. Voilà, bah voilà, ça marche, je suis là. Allô, ça marche. Voilà, c'est tout. Dégage-toi. C'est pourtant facile. Toi, tu dégages! Attends, je l'ai entendu tout à l'heure quand il avait le micro à l'envers. J'ai entendu. Non, mais moi j'arrête. Allô. Bonne nuit. Je n'entends rien. Fais un essai, c'est important, le micro ne marche plus. Non, Gérard, il te demande de faire un essai, c'est important. Karine, comment est-ce que vous êtes là? Remets ton casque! Tu remets ton casque! Non, Gérard, regarde! Remets le casque! Prends-le à l'envers, ça vient. Regarde, fais comme nous! Prends-le à l'envers! Dégage, quoi! Gérard, regarde! Attention, Gérard! Attention au casque! C'est Max à l'appareil, est-ce que Gérard est encore dans les studios? Il y a Max qui se barre! Attends, Cyril, calme-toi un peu. On peut pas reprendre le débat là. Cyril, c'est bon, il est parti, Gérard. Alors, il est parti, Cyril. Non, Gérard, c'est notre casque. Alors, est-ce que Gérard, s'il te plaît, c'est Max, il apparaît dans la merde là. Oh, tu t'assois, tu mets ton casque, c'est important. Tu prends ton micro comme nous. Non, t'es en train de faire le con, toi. Mais non. Tout est éteint. Mais quoi, il est éteint, t'entends? Gérard, on est obligé de les tenir à l'envers. Est-ce que tu m'entends à l'envers? Le tiens, mais non, faut que tu le prennes comme ça. Non. Faut que tu le prennes comme ça. Mais non, ça marche pas, il faut que tu le renverses. Dégage! Gérard, tu te calmes et tu reprends le débat. Et tu prends ton micro. Allô? Allô? Allô? Tiens-le à l'envers. Je ne l'entends pas. Est-ce que je suis avec le directeur technique? Et là, tu m'entends? Je ne l'entends plus rien à l'antenne. Tiens mon micro à l'envers, tu m'entends? Gérard, est-ce que Gérard est là? Ouais, je suis là. J'entends rien. Il est où, Gérard? Dites-moi. Non, mais attends, te fous pas de moi, là. Demande-lui d'allumer son micro. Il est allumé! Demande-lui d'allumer son micro. Voilà, à l'envers. Voilà. Non, mais alors tu descends et tu te mangues le cul. Attends, Gérard, comment tu me parles? Et on va te faire foutre. Non, mais tu descends. Mais bah, t'arrêtes les débats, t'es pas content. Tu sais pas parler derrière un micro, c'est pas la peine de venir faire de la radio. Non, mais attends. Attends, si tu sais pas parler derrière un micro, c'est pas la peine. Non, mais attends, ça fait un quart d'heure que tu fais des débats à l'antenne, c'est n'importe quoi ton débat. Eh bah, dans ce cas-là, toi. Eh bah, bonne nuit, bah, tu dégages, exactement. Ah, parce que l'autre. Eh bah, franchement, je prends tes débats de la place. Allô? J'écoute. Allô? Tu dis à Gérard qu'il éteint pas son micro, je veux l'entendre. Mais je sais pas ce qu'il fait. Gérard, t'es où? Je suis là, je t'écoute, hein. Il est où, Gérard? Non, mais attends, il se fout de ma gueule ou quoi, là? Non, parce que je t'ai dit que c'était à ce domaine. Il y a Gérard qui rallume son micro, s'il te plaît, Olivier. Rallume ton micro. Il est allumé depuis tout à l'heure. Tu vas pas me faire gueuler, d'accord? Tu dis à Olivier, tu dis à Gérard, s'il te plaît, je sais pas où il est, si je descends et qu'il est pas dans le studio, ça va chier. Descends. Descends, je t'attends. Je ne l'entends pas, où est-ce qu'il est? Non, mais attends, tu te fous de moi là. Ton micro. J'aime pas qu'on se foute de ma gueule, alors tu dis à Gérard parce qu'il se fout de ma gueule là. Ouais, écoute, il peut rien, il veut pas. Attends, je vais mettre ton micro comme ça tu vas descendre, tu vas dire à l'autre avec sa caméra qu'il arrête, ok? Voilà. Pourquoi tu cries? cri, je t'entends là. Eh ben, tu descends un peu. Tu viens finir au diable. Là, je t'entends, bah t'as qu'à rester comme ça, y'a un problème technique. Non, je vais pas m'amuser à finir un débat comme ça, d'accord? Bah, pourquoi pas? Ouais. Nous, on fait pareil. Non, mais moi, je sais pas que c'est drôle. Hein. Bon, et puis les auditeurs. Allô? Allô? C'est Caramel. Salut, Gérard. Oh, Caramel, c'est pas vrai. Je pourrais t'avoir en antenne. Allô, Gérard. Allô? Gérard? Non, mais c'est Caramel. C'est le bordel. Gérard? Quoi? Gérard? Putain, mais c'est quoi ce cirque? Mais Gérard, tu m'entends? Non, mais attends. Hey, c'est tous les jeudis, vous me faites chier comme ça, hein? Mais non, mais Gérard, c'est pas tous les jeudis. C'est Caramel, c'est tous les connards. Tu parles trop loin de ton micro, Gérard, c'est bien. Hein? Tu parles trop loin de ton micro. Là, on t'entend un peu, là. On t'entend pas bien. Essaye de t'approcher un petit peu du micro. Là, on t'entend pas bien, Gérard. Gérard. Mais c'est pas, là, le Non, mais Gérard. On t'entend très faiblement. Oh, les gars, s'il te plaît. Olivier Carac, que j'ai collé. Mais je déconne pas, c'est pas moi, j'ai rien. Bon, mec, tu descends, s'il te plaît. On n'entend rien, il est où, Gérard? Oh, putain. Gérard. Bon, Karine, Manu, vous terminez le débat parce qu'apparemment il est pas là, je descends là, mais il est pas là, Gérard. D'accord, bon, donc la question, le débat c'était sur quoi? Sur la différence d'âge? Fini, ouais, Olivier. Exactement. C'était sur quoi? Alors, moi je suis contre. D'accord, t'es contre la différence d'âge? Ouais, parce que je pense que. Le reste. Et les râteaux, voilà. D'accord. Et les râteaux, c'est Pierre. Moi je voudrais répondre à la question. Mais, au niveau du pont de l'Alma. Moi c'est Pierre. Il faut le refaire hein, parce que c'est pas bon. Hein. C'est bien. Alors, les voitures elles arrivent trop vite. Donc ça fait que. Obligé, il y a un crack. Obligé. Voilà. Ouais, c'est pas bien le pont de l'Alma. C'est la merde. Hein. Surtout quand il y a Gérard qui fait du stop en dessous. Hein. Moi, je vous entends là. C'est Max en haut là. Vous m'entendez? Ouais, on entend bien. Donc on finit le débat. On en était. Donc c'était à la pornographie ou la zoophile Kamachi. Moi, je préfère la géographie. Hein. Moi, je préfère la zoophile Kamachi. Gérard est parti apparemment. Pourquoi? Oh, c'est pas grave. Mais pourquoi pas la géographie? Pourquoi? Pourquoi tu préfères la pornographie? Et Olivier, tu m'expliqueras pourquoi Gérard il est plus dans le studio. Hein. Bah ouais, je vais te rendre des comptes. Bah viens, laisse taper une petite branlette alors. Blâme pour Gégé, un blâme. Je vais faire comme l'autre fois, moi. Toi, tu vas nous montrer. Je vais couper tout le monde, hein. Tu vas faire quoi, toi? Mais non, alors, quand Gérard sera revenu, vous me le direz. Donc, la fin du débat, je suis obligé de le faire, mais il va chier à l'instant. Pourquoi il s'est barré cet enfoiré? Je sais pas. Non, pour l'instant, je suis pas barré, je suis toujours pourquoi là. Pourquoi il s'est barré? Toi, tu vas allumer les. Alors, qui veut faire la conclusion? Je sais pas. Avec qui? Je sais pas. Avec toi? Bah ouais. Bon, vous écoutez, on fait la conclusion. Ok. Alors, qui veut commencer à faire la conclusion parce que Gérard est parti? Oh non. Bah, Tony. Vas-y, Tony. Bon, bah, il faut que ça soit, c'est une conclusion, c'était le bordel. Hein. Bon, ouais, bah, je trouve Gérard, c'est marrant en plein milieu, c'est bien. Ouais, okay. Mais je comprends pas pourquoi il assume pas. Ouais, je comprends pas. Il a parlé d'un dîner, un de ces quatre, et il faudrait savoir si ça va se faire ou pas. Donc, ah ouais, c'est vrai, ça, Max, un petit dîner. Hein? Feuille de coquelicot. Feuille de coquelicot. Quoi? Feuille de coquelicot. Feuille de coquelicot. Non, c'est fleur de cactus. Bah ouais, mais c'est vraiment. Non, c'est fleur d'anus. Allô? Fleur d'anus. Ouais. Ça marche là? Ça remarche? Allô? Ouais, ça marche, on vous entend. Allô, Gérard. Max? Ouais, parti, tu nous entends? Ouais, je vous entends. Ah, ça remarche, là, ça remarche. Ça remarche. Voilà, donc la conclusion de Feuille de Coquelicot. Non, mais comme par hasard, ça remarche. Feuille de Coquelicot, t'écoutes, vas-y. Comme par hasard. Bah, écoute, j'ai parlé tout simplement. Ouais, non. Ah, bah, c'est parfait, ça remarche. Vous dites à Gérard qu'il vienne ou pas, il vient. Ouais, on a eu peur, quand même. Oh, je suis là. Bon, Olivier, si Gérard il veut pas faire sa conclusion, je la fais à sa place. Bah, fais-la à sa place. Attends, tu joues à quoi, toi? Non, Gérard, finis ton débat. Tu joues à quoi? Mais t'entends pas. Tu joues à quoi? Parle, alors. Je suis pas une mission depuis tout à l'heure. J'arrête pas de gueuler. Feuille de rose, ta conclusion, parce que Gérard est parvenu. Ok, ma conclusion, c'est que malheureusement, Gérard, il est vraiment pas très enfin, il est pas... Merde. Allô? Il est sur mon micro, là. Allô? Vous l'entendez, là? Oui, ça y est, on l'entend. Il est sur mon micro, je vais donner mon micro. C'est quoi là ce bordel, Max? Bon, puisque Gérard n'est pas là, je passe à Non, mais attends, tu joues à quoi là, Max? Je t'écoute. Oui, tu joues à quoi, Max? Ah bah t'es là, mais t'étais où? Non, attends, tu joues à quoi là? Mais non, mais il y a un problème avec un micro. Non, ça fait deux fois que je change de micro, c'est pas dans le cul, le micro. Non, attends, faut pas prendre les gens pour des cons, Max. Gérard, tu descends, s'il te plaît, tu t'es foutu de ma gueule, tu n'étais pas là pendant un quart d'heure. Non, je t'en passe. J'étais en face, j'étais avec les micros. Ouais, bon, je suis désolé. Ça avec les caméras, ouais, je vais vérifier ça avec Fun TV. Tony et moi dans une cabine, mais c'était quand même quelque chose. Hein. Bon, c'est Caramel, moi je pense qu'il s'est foutu dans le cul, le micro, c'est pour ça qu'on l'entend plus. Bon, Caramel, tu dégages, bonne nuit. Gérard, c'est un coup pour voir. Bonne nuit, Caramel. Bon, mais moi, Caramel. Bonne nuit, Caramel. quoi le débat? Je suis très déçu. Gérard, c'est Caramel. C'est Caramel qui voulait savoir si on avait fini le débat parce qu'il aimerait bien se coucher. Ah bah, il est terminé le débat. Oh non, Gérard, quand même. Non, Gérard. On n'a pas eu la conclusion. Il est terminé maintenant, c'est... On n'a pas fait nos conclusions, Gérard. Il reste 9 minutes maintenant, 9 minutes. En 9 minutes, vous me posez une question. En antenne, et vous laissez Gérard en monologue. C'est parti. Ben non, ben... Gérard, il n'y a plus personne là. Eh ben, va te faire foutre toi-même, tu dégages, au revoir. Oh, je t'encule, Gérard. Ouais, ben c'est bien. On enlève les auditeurs. Elle est un. Non, mais il n'y a plus... De toute manière, il n'y a plus personne au standard. Ils sont tous avec toi, là-haut. Ils sont tous avec moi, je suis tout seul, là-haut. Ouais, non, mais c'est ça. Ils sont dans les couloirs. On va voir dans les couloirs s'ils y sont pas, espèce d'abruti. Non, tu me dis... Non, attends, il n'y a plus de gars. Il n'y a plus de gars, il veut virer personne. Allô? C'est Caramel, l'appareil. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi, là, ce bordel? Maintenant, j'ai plus de son dans le casque. Hein? C'est quoi, là? Hein? Putain, mais... Tu vous jouez à quoi là? Bah, je sais pas, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi là ce bordel? J'ai plus rien! Allô? Allô? Allô? Ben, comme par hasard, tu joues avec la caméra et ça sert bien! Caramel! Alors tu me viens Caramel, tu fais la conclusion? Ouais! Caramel, tu dois faire la conclusion? Je voulais dire que Philippe était Caramel, parfait à la réalisation! Allô, c'est Caramel! Ah, Caramel! Caramel! C'est cool, Caramel. Allez, venez, on se transforme tous en Caramel. Je vous aime, Olivier, je vous aime. C'est parfait à la réa. C'est Caramel à la pareille, je vous aime. Mais Nicolas, il avait encore rien. Caramel, soirée. Hey, Caramel, c'est Caramel. Remercier Caramel. Bah, y a pas de problème. Allô, c'est Tony. Moi, j'avais plein de. Moi, je voulais remercier la Terre Non, mais je vais pas les dire parce qu'il est 14h du mat. Moi, je demande à passer en prime time. Bah, c'est Ramet et je suis pas en prime time. Je voulais remercier quand même. Comment il s'appelle Non, Gérard. Connard. Connard, il t'emmerde. Gérard, laisse parler Caramel. Voilà, vous m'entendez maintenant? Et Gérard, on s'en fout un petit peu de ta gueule. Bah, un petit peu beaucoup même. C'est qui vient de dire ça? Bon, c'est quoi là ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Tony? Ouais. T'as pas une chose à me dire? Oui, je t'aime. Non, mais Connard, vous dégagez tout sur l'antenne, j'arrête. Toi aussi? J'arrête. C'est génial. Et toi, qu'est-ce que t'as à dire? Non, non, mais de toute manière, tu me vires tous les mecs et je parle qu'aux nanas. C'est tout terminé. Ouais, bah, rafus alors, les mecs sont partis. Ah, super histoire d'amour avec toi, quoi. Ah, c'est super. Ouais, comme par hasard, c'est bon. Mais qu'est-ce que parle, il y a un blanc. Je viens de te dire de me virer tous les mecs, tu les prends au standard. Ouais. Ok, il n'y a plus personne ici pour faire le standard. Okay. Moi, je ne vais pas continuer. Ok. C'est clair? Ok. Tu m'envoies Karine, elle va venir. Ok. Karine, tu te dépêches, s'il te plaît. S'il te plaît. Il y aurait plus de monde. Gérard. Allô. Gérard. Allô, Gérard. Oui. Oui, dis-moi. Je voulais simplement te remercier parce que... Oh, bâtard. Oh, tu m'écoutes, là? Je t'écoute. Bon, je voulais simplement te remercier parce que grâce à toi, j'ai trouvé l'amour de ma vie. Et c'est Tony. Oh, connard. Je voulais simplement t'inviter à notre prochain mariage, voilà. Eh ben, tu compteras pas sur moi. Pourquoi? J'irai pas, c'est tout. Pourquoi? Parce que j'irai pas, c'est tout. Mais écoute, mais... Je n'irai pas. Mais ça te fait pas plaisir qu'enfin j'ai trouvé l'amour de ma vie? Je m'en fous. Tu t'en fous? Ça me fait une belle jambe. Tant mieux. Allô, Gérard? Oui, Gérard. Gérard, à l'appareil. Ouais. Gérard, tu les prends tous. Alors, c'est le vrai Caramel, là. Je suis la femme de Caramel. Salut, les filles. Gérard, je suis la femme de Caramel. Allô, les filles, allez. Karine, tu me les prends tous, s'il te plaît, au standard. C'est Caramel, à l'appareil. Tony. Voilà. Pas Gérard. Non, mais il y en a qui s'amusent pas. Tu dégages, je viens de dire qu'on reprenait les filles au standard un peu là. Elle a rien. Allô? Allô? Mais c'est quoi là ce cirque encore avec les micros? Non, ils sont à l'antenne, Gérard. Hein? Non, mais moi j'ai personne. Et t'as dû appuyer sur un bouton. Bah là. La radio marche plus, Gérard. Ah bah non, bah. C'est ta faute. Bon, toi tu dégages avec ta caméra, d'accord? Gérard, retrouve le bouton sur lequel t'as appuyé. Là, vous m'entendez? Là, vous m'entendez? Gérard, t'avais une connerie. Gérard, là, dégage, quoi. T'as encore coupé. Putain, mais c'est quoi ce cirque? Non, mais on t'entend, Gérard. Dégage, toi. Tu dégages maintenant, d'accord? Non, mais tu dégages. D'accord, je suis pas ton copain, hein. Gérard, alors, tu peux reprendre le débat et appuyer sur le bouton. Nous, nos auditeurs sont à l'antenne, t'as appuyé sur un bouton. Dégage, ou je suis en colline. Gérard, tu te concentres, s'il te plaît. Deux secondes, on va finir, on va essayer de faire. Ouais, ben, dans ce cas-là, tu me dis sur quel bouton qu'il faut appuyer. Je sais pas sur quoi tu as appuyé, malheureusement. Eh alors sur où? Je sais pas, tu as appuyé où, Gérard? Là, et là. Bah, je suis con. Vas-y, rappuie, vas-y. Mais merde, concentre-toi, concentre-toi. Ouais, c'est bon, ça marche, là. Touche plus rien. Putain, mais c'est quoi là que vous me faites au standard? C'est pas nous, Gérard. Ça vient pas de nous, c'est toi qui appuies sur des boutons. C'est toi, là. Dégage. Sans vous, l'en vous. T'occupes pas la caméra. Mais tu veux défendre un peu, toi, Gérard. Ouais, mais j'entends rien, il me coupe. C'est bon, ça remarche, Gérard. Caramel. Ouais, c'est caramel. Eh ben, caramel, c'est caramelette. Oui, bonsoir les filles. Caramel, merde, c'est ta femme, caramelette. Ça va les filles? Bonjour. Tu vas dégager là, toi, maintenant. Hein. Les filles, est-ce que tu peux me casser, tu dégages? Oui. Oh là là, je vais vous inviter. Caramel, il est temps de rentrer à la maison, Caramel. Ouais, Caramel, il fait de la radio aussi, c'est bien. Mais qu'est-ce que c'est dit tout à l'heure, toi? Gentil, Caramel, je fais de la radio, ça vous dirait de faire de la radio avec moi? Ah ouais, Caramel. Ouais, Caramel, le week-end, le week-end. Ouais, ouais, Caramel, tu nous fais un débat à ta place, du coup. Tout à l'heure, tu m'as demandé, j'étais constamment là. J'ai pas bougé d'ici. Hein? Alors, Alors maintenant, si ça va pas, et ben. Attends, t'exagères. Il t'a fait chier 30 secondes avec tes chaussettes. T'es devenu méga star et on va te calmer. On va te calmer. Et s'il faut, bah, Françoise fera un débat comme on l'avait prévu au début de l'année, une fois sur deux. Comme ça permettra de te reposer pendant 15 jours. Comme ça, on t'emmerdera pas. T'auras pas tes petits problèmes techniques. T'auras pas tes petits problèmes de caméra. Tu pourras regarder Fun TV de chez toi sur ton radio cassette. Voilà. Donc apparemment, si ça te dérange pas, ça fera plaisir à Toulon, parce que tu arrêtes pas de gueuler. Voilà. Merci Gérard, et à dans 15 jours, donc Françoise, prépare-toi à préparer un débat. Dans 15 jours, on se retrouve pour quoi Gérard? Pour quel débat? On se démerde, d'accord. Donc Françoise, il faut aussi... D'accord. Non. C'est quoi les deux débats de la semaine prochaine, s'il y a un débat? Parce que sinon, justement, là, Stéphane l'alcoolique, il m'a téléphoné aujourd'hui pour me demander d'en faire un à ta place. Mais ça va, arrête un peu. Tu as décidé de faire chier le monde avec cette caméra de Cyril, il a été sage ce soir. Ça va, il n'y a eu personne, mis à part Caramel un petit peu, à part Tony et Arnett et Luigi et David, c'est bon, ça change un peu des habitués. Alors vite, magne-toi, putain, tu prépares rien, tu prends le rien de la semaine, tu fais que boire et après tu n'es même pas capable de pouvoir préparer deux débats, putain, c'est quand même incroyable. Vite. Sur la mode. Ouais, sur la mode, c'est pas mal, ouais. Et voilà, il n'a rien préparé. Comme tu veux les débats du jeu des soirs. C'est quoi le débat? Bon, c'est pour ou contre le débat de Gérard, voilà, comme ça on va être fixé. Ah, contre le débat de Gérard, ça sera le deuxième débat de cette soirée. Le premier débat de jeudi prochain portera sur la mode. Et pour ou contre les débats de Gérard. Voilà. Eh bien, on vous souhaite une bonne nuit. Gérard sera là quand même jeudi prochain, à moins que d'ici là on mette à la place Françoise, ce qui pourrait être une très bonne idée. On vous souhaite une bonne nuit. On vous retrouve tout à l'heure à partir de vendredi avec le résumé d'un des deux débats. Et puis voilà. Puis tiens, si vous voulez aller à la loco vendredi, j'ai oublié encore des places. Donc vous nous appelez dès maintenant au 0803 08 5000 pour les 10 plus rapides. On a des places pour demain soir à la loco avec Jean-Marie Cassonique et moi-même, Malé Bonnebourg et petit cadeau.